Je les ai reçus hier. 2. Nous l'avons choisi ensemble. 3. Tu l'as mise dans la trousse? 4. Nous l'avons peinte en vert. 5. Elle l'a écrit en français. 6. Vous l'avez faite? 7. Je l'ai bu très chaude. 8. Ils les ont lus sur leur tablette.